occupé, je ne réponds à peu. Je ne ferai pas de snap. Les gens me demandent souvent pourquoi j'écris, pourquoi je rappe. Comme tous les autres, je vous laisse épaire. Qui veut d'un mec chépère? Tellement j'ai trop la dalle que pour gagner, je les laisserai perdre. Qui est ce rappeur white? Ce con que tout le monde like, c'était ta claque en vue de lui faire bouffer ma dernière paire de Nike. Et calme, faut se calmer. Sans plus que ça pue la paix. Des fois, je les insulte et je fais en sorte de plus me rappeler. Bipolero. Tellement fan de moi que je serai le dernier fan de Jules. Une montre en or plaqué, personne ne veut me braquer. Tellement je ne vends pas de stream qu'on dit que ma zik est toute claquée. Monsieur manque d'affection, besoin d'une correction. Je vais devoir faire appel à toutes mes p'tites de collection. Des fois je me prends pour JZ, me transforme en DBZ. Je signerai de l'EPZ et ferai bouger ma ville comme un DZ. On m'appelle Calimero. Besoin de love et de dinero. De feuilles d'or et de minero.